Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 35. De la naissance du Christ. Que la naissance s'attribue à la personne. Double naissance du Christ, Marie et sa mère. Peut-on dire que la bienheureuse Vierge est mère de Dieu, sa joie dans l'enfantement? Convenance du lieu et du temps où le Sauveur est né. 1. La naissance se dit-elle de la nature ou de la personne? La naissance, dit saint Jean Damascène, appartient à l'hypostase et non à la nature. En effet, elle doit être attribuée à la personne comme à son sujet, et à la nature comme à son terme. La naissance d'un être, a dit le philosophe, est le chemin qui le fait arriver à sa nature. Note. À parler rigoureusement, ce n'est pas la nature qui commence à exister, c'est plutôt la personne qui commence à exister dans une certaine nature. Fin de la note. 2. Doit-on attribuer au Christ une naissance temporelle? Par une suite nécessaire de cette vérité, qu'il y a dans le Christ de nature, l'une divine, qu'il reçoit éternellement de son Père, l'autre humaine, qu'il tient de sa mère dans le temps, il faut lui attribuer deux naissances, l'une éternelle, par laquelle il procède éternellement du Père, l'autre temporelle, qui lui vient de sa mère. 3. La naissance temporelle du Christ autorise-t-elle à dire que la bienheureuse Vierge est sa mère? L'Évangile dit formellement, telle était la généalogie du Christ, Marie, sa mère, ayant épousé Joseph, etc. Matthieu 1, 17. Le corps du Christ a été pris dans le sein de la Vierge Marie et formé de son sang très pur. Il n'en faut pas davantage pour constituer l'essence de la maternité. La bienheureuse Vierge est donc véritablement la mère du Christ. Note. L'opération du Saint-Esprit imprima un caractère surnaturel et miraculeux à la conception et à la naissance du Sauveur, mais, du côté de la mère dont il est né au temps ordinaire depuis sa conception, sa naissance fut conforme à la nature. Voilà pourquoi la bienheureuse Vierge est réellement sa mère. Fin de la note. 4. La bienheureuse Vierge doit-elle être appelée la mère de Dieu? Saint Cyril, dans ses anathèmes, approuvés et répétés par le concile d'Éphèse, s'exprime ainsi, si quelqu'un, ne confessant pas que l'Emmanuel est véritablement Dieu, ni que la Sainte Vierge est la Mère de Dieu, qu'il soit anathème. Voici ce qui a été exposé précédemment. Le mot Dieu peut servir à désigner une personne possédant la nature divine et la nature humaine. Tout ce qui convient à l'une ou à l'autre de ces deux natures peut s'attribuer au Verbe, représenté par un terme signifiant sa nature divine ou sa nature humaine. La conception et la naissance se disent la personne divine, selon la nature, soit divine, soit humaine, dans laquelle cette personne est conçue ou née. La nature humaine a été prise par le Christ dès le premier instant de sa conception. Il suit de ces vérités que nous sommes fondés à dire que Dieu a été conçu et est né d'une vierge. C'est pourquoi, si une femme est mère de quelqu'un pour l'avoir conçu et lui avoir donné le jour, la bienheureuse Vierge doit être véritablement appelée la mère de Dieu. Quiconque lui refuserait ce titre tomberait ou dans l'hérésie de Photin, qui supposait que l'homme dont elle était la mère avait été conçu et mis au monde avant d'être fils de Dieu, ou dans celle de Nestorius, d'après lequel l'humanité n'aurait pas été prise par le Verbe de manière à ne former avec lui qu'une seule personne. Note. On dira, nous ne voyons point dans l'Écriture que Marie est la mère de Dieu, nous y lisons seulement qu'elle est la mère du Christ. Matthieu 1, 18. Cette objection de Nestorius se résout ainsi, il est expressément consigné dans l'Écriture que Jésus-Christ est vrai Dieu. 1 Jean 5, 20. Et que la Sainte Vierge est mère de Jésus-Christ. Matthieu 1, 18. Donc Marie est mère de Dieu. En vain Nestorius reprendra que le Christ est appelé Dieu en vertu de sa nature divine, qui n'a pas tiré son origine de la Vierge. Saint Cyrille répond, de même que, chez l'homme, où l'âme naît avec le corps pour ne former avec lui qu'un seul être, il paraît superflu de dire que la mère du corps n'est pas la mère de l'âme, de même, dans la génération du Christ. Il est inutile d'exprimer que la Sainte Vierge est appelée Mère de Dieu uniquement parce qu'elle est la mère de l'humanité de celui qui possède tout à la fois et la divinité et l'humanité. Fin de la note. 5. Y a-t-il dans le Christ deux filiations? Les opinions diffèrent à cet égard. Les uns veulent que, dans le Christ, il y ait deux filiations, comme il y a deux naissances. Les autres n'y en veulent admettre qu'une seule, parce qu'il n'y a qu'une personne. Si l'on s'attache uniquement à l'idée même de la filiation, il faut en admettre une double dans notre Seigneur, l'une éternelle, l'autre temporelle, à raison de sa double naissance. Mais si l'on considère seulement le sujet de la filiation, qui est la personne du Verbe, le Christ n'a, en réalité, que la filiation éternelle. Le nom de fils de Marie ne lui convient que par un rapport qui, quoique réel dans sa mère, n'affecte pas plus sa personne que le rapport qui fait appeler Dieu le Maître et le Seigneur des créatures n'affecte la nature divine. 6. La Sainte Vierge a-t-elle enfanté le Christ sans douleur? Le Christ sortit du sein maternel de la même façon que, plus tard, il entra dans le cénacle, les portes étant fermées. Marie l'enfanta sans douleur comme sans préjudice pour sa virginité, éprouvant, au contraire, une joie immense de ce qu'un homme Dieu était donné au monde. Elle vérifia cette parole d'Isaïe, 35, 2, « Elle germera comme un lys et laissera éclater sa joie par des hymnes d'allégresse. » 7. Le Christ a-t-il dû naître à Bethléem? Le Christ a voulu naître à Bethléem pour plusieurs raisons. Le prophète Michée, 5, 2, avait annoncé en ces termes que ce serait là le lieu de sa naissance. « Et toi, Bethléem d'Éphrata, tu es la plus petite des villes de Juda, mais c'est de toi, néanmoins, que je ferai sortir celui qui doit régner en Israël. » Il a voulu naître à Bethléem comme David, dont il descendait, afin que le lieu même de sa naissance montrât l'accomplissement des promesses faites à ce saint roi. Et c'est ce que l'Évangile nous indique en disant qu'il était de la maison et de la famille de David. Enfin, comme l'explique saint Grégoire, Bethléem veut dire maison du pain, or le Christ disait, en parlant de lui-même, « Je suis le pain de vie, descendu du ciel. » Note. Il a voulu naître dans un lieu obscur pour confondre la vaine gloire de ceux qui, s'enorgueillissant du lieu de leur origine, veulent surtout y être honorés. Il avait aussi pour but d'agir sur l'univers par la force de sa vertu, et non par l'éclat de sa naissance. Je suppose un instant qu'il eût choisi la grande ville de Rome pour sa cité, disait très bien Théodore d'Ancyre dans le Concile d'Éphèse. Peut-être aurait-on attribué à la puissance de ses concitoyens la transformation du monde. S'il avait été fils d'un empereur, l'honneur en serait revenu au pouvoir impérial. Afin que l'on vît bien qu'il avait changé l'univers par sa divinité même, il a choisi une mère et une patrie également pauvres, mais, après avoir ainsi adopté ce qui est faible, selon le monde, pour confondre ce qui est fort, il a établi, en signe de sa victoire et de sa puissance, le siège de son Église dans la capitale de l'univers, à Rome même, d'où la foi devait resplendir sur le monde entier. Fin de la note. 8. Le Christ est-il né au temps convenable? Il est écrit, « Quand la plénitude du temps fut venue, Dieu envoya son Fils, formé d'une femme et soumis à la loi. » Galates 4, 4. Créateur et souverain maître de tous les temps, le Christ a choisi sa mère, sa patrie et le jour de sa naissance. Il est venu dans le monde au temps le plus convenable, car toutes les œuvres de Dieu sont parfaitement ordonnées. Note. Il est venu dans un temps de servitude, pour nous rendre à la liberté, dans un temps de paix, parce qu'il est lui-même notre paix, Éphésiens 2, 14, dans un temps où un seul chef commandait au monde, pour qu'il n'y eût qu'une seule bergerie et qu'un seul pasteur, Jean 10, 16, à une époque où un roi étranger régnait sur Juda, afin que cette prophétie de Jacob fût accomplie. Le sceptre ne sortira pas de Juda et le chef ne cessera point d'appartenir à sa postérité jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé, Genèse 49, 10, à l'heure même où la lumière du jour commence à croître, pour nous faire entendre qu'il venait illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans les ombres de la mort. Luc 11, 79, pendant l'hiver, pour commencer, dès sa naissance, à souffrir pour nous. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.